arrive. On règle les pieds de micro dans ce studio de la mort de Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq. C'est Pyongyang City Rockers qui reprend pour son 425e épisode de ce soir avec non seulement Jamie. Bonjour Jamie. Hello, oi. Hello, oi. Attends, je sais même pas si j'ai trouvé ton. Ouais, c'est celui-là. Refais-le. Aïe. Ah bah oui, voilà. Ah ouais, là je me suis entendu. Il devrait y avoir Célia qui arrive sous peu, peut-être même avant. Il y a Mézig Stéphane, et puis juste en face de moi, au micro 4, le micro de l'accusé, celui qui va répondre de ses crimes pendant au moins une heure. c'est Pierrock. C'est le micro de Pierrock, ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est ton micro. Ouais, ouais. En plus, maintenant t'as tes habitudes, c'est bien. Ah, tout doucement. J'ai écrit quelque part que tu étais un bon client et un habitué, donc maintenant t'as peut-être pas me faire mentir. Hein, sinon ah merde, bientôt grand leader. Oh, bah, attends, du moment que t'es venu passer de la musique qui te plaît et que tu n'es pas invité pour présenter un truc spécifique, tu deviens grand leader. Il y en a plein des grands leaders. Ils fourmillent hein, dans l'île et autour des grands leaders et leaders. Il y en a des paquets. Ah, génial, je vais pouvoir faire passer des lois ici. Bah, après ça, on vote. Hein, et encore après, et puis après, on oublie parce qu'on a bu de la bière. Voilà. La pile. Donc quand même, t'es venu pour présenter ton quatrième rejeton, Réveil Forcé numéro 4, en format A5. Ouais. Comme ne le montrait pas ce superbe montage photo, tu me l'as fait remarquer en arrivant, là, que j'ai balancé sur les réseaux sociaux. C'est pas grave, on va parler de ce qu'il y a dedans, peut-être pas tout, ou alors il faudra que tu m'aides. Parce qu'il y a un petit truc qui fait masse, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, il y a encore un truc qui merde. Ça fait mouche. Ouais, ça fait mouche et masse. Bon, il faudra que tu nous aides quand même parce que j'ai pas tout lu. Hein, tu l'as envoyé ce matin. Alors, ouais. Heureusement que j'ai râlé parce que sinon j'aurais rien eu. On y aurait été carrément à l'aveuglette. J'avoue. Un qui n'ira plus à l'aveuglette, c'est Gaba, guitariste de Chaos UK, défunt hier ou avant-hier. Gaba, qui est, enfin, moi, mon histoire personnelle, mon anecdote, c'est que c'était sa gueule qu'il y avait sur le premier flyer que j'avais fait pour une émission de radio pour Écrasons la Vermine en 1987. Vous voyez sa gueule qui faisait une grimace. Lui, en effet, même quand il jouait, il arrivait à grimacer aux gens qui prenaient des photos. Puis à l'époque, on prenait des photos avec des vrais appareils photo, monsieur. Bah, moi aussi, c'est tout des photos à l'argentique. Qu'est-ce que tu crois dans mon site? Mais c'est bien. Ça y est, là, c'est bien. Ouais. Voici donc un petit truc à mémoire de Gaba qui a aussi beaucoup fait pour le punk dans tous les sens et qui a beaucoup fait rigoler tout le monde partout où il passait. C'était un bon tout le monde s'en rappelle et son trou ne se refermera pas de sitôt. Chaos UK, hope you got a fucking headache. Yeah! kids, I'm here to introduce a song by that great pop combo, Chaos Chiquet. And it's called Farmyard Boogie. It's a real smash. Yeah. Ouais, non, non, Farmyard Boogie, ce sera une autre fois. C'est, il est rigolo. Mais plus la version dance, où ils claquent dans leurs mains. Oui, les filtres anti-pop, on peut les enlever, hein, je pense. Enfin, s'il y a des gens de campus qui nous écoutent, on va se faire rouspéter. Mais comme ils tiennent pas, de toute façon, c'est pas la peine de se faire chier avec ça. Hein. Voilà. Ça va, Célio ? T'es arrivé ? Ça va. Alors, hein ? J'entends rien dans le casque. L'oreille est au bloqué. Bah ouais, je pense que. En fait, peut-être la masse, c'est à cause de l'ampli des casques, là. On est en pleine radio pirate, là, c'est bien. Ouais, c'est pas grave. Voilà, pirate. Destroy. Ah oui, celui-là, ça va bien. Comment allez-vous ? Bah, ça va, un peu retard, mais ça on va. On est bien, hein. Ouais. Moi, je vais vous passer un groupe de punk hardcore norvégien, ça s'appelle Draumar. La voix de la chanteuse, elle me fait penser un peu à celle de la chanteuse de Etze. Oh, le groupe vient de sortir un album éponyme après un album live et un EP. Il est sorti sur le label anglais Static Shock, qui avait notamment sorti le dernier LP de Imploders. Et on va écouter tout de suite Lickbill de Draumar. Ça veut dire quoi ? Lickbill, ça veut dire corbillard, et Draumar, ça veut dire drame. Ok. J'avais cherché. Lickbill, c'est un corbillard ? Ouais. C'est ça qu'on pourra dire aux gens de Corbière quand on les verra. Bon, allez, hop. Ça c'est pas tout de suite, ça après. D'ailleurs, je me demande si tu l'avais pas déjà passé ce titre-là. Si possible. Donc on n'aura pas Utopie ce soir. Enfin, peut-être. Hein, ça dépend si on s'étale sur la deuxième heure. Ça c'est la nouveauté de cette semaine, c'est qu'on peut s'étaler sur l'heure suivante. C'est cool. Théoriquement. si Jean-Damien ne fait pas irruption dans les studios de Radio Campus que vous étudiez actuellement. Ouais. Ouais. Et moi, je vais vous passer un remix. Je sais pas combien va falloir faire de remix pour La Jeunesse Emmerde le Front National, parce que La Jeunesse Emmerde le Front National. Ouais. Et je sais pas s'il faut le faire en trap ou quoi, pour que dans les esprits ça rentre. Ah, faut le faire en tout ce qu'on veut. Dans certains esprits, je peux te dire que ça n'entrera pas. Faudra faire et entre eux, on va devoir procéder. C'est le Bard. Et c'est La Jeunesse Emmerde le Front National. sur Radio Campus Lille, 106,6. Qu'on entend encore la ronflette? Non, je crois pas. Si, un petit peu quand même. Ouais. Non, mais ça, c'est une ronflette d'Antifa, parce que toi, là, avec ce que tu viens de passer, t'es Antifa, toi. Ouais. Oh putain. Bon, je l'assume complètement. Après, on va être poursuivi, peut-être. On devrait rappeler l'adresse du lieu, non? Dans les rues de la cité scientifique, bah, si tu veux, Radio Campus. L'adresse est sur le site web. Voilà quoi. Voilà. Bref. Bon, on va essayer de se démerder avec une demi-ronflette seulement. Il est 20h15. Et voici venu le moment tant attendu de tous, celui d'entendre et de manière extrêmement longue dans le temps la douce voix de Pierrot. Ça va? Oui, ça va. Alors, putain, tu t'es encore fendu d'un super numéro, là. Ouais, je me suis encore fait chier. Je me suis encore enfermé pendant 10 jours, quoi. Ouais. Mais bon, j'adore ça, hein, je vais pas m'en plaindre. Ouais, puis le résultat, alors j'ai pas tout lu parce que, comme je disais tout à l'heure, tu l'as envoyé en début de matinée, enfin en fin de matinée, donc Ouais, c'était de la dernière minute un peu. Ouais, ouais. Mais là, du coup, j'ai un exemplaire en papier. Allez bien, mais si tu veux, tu peux le regarder parce que j'ai aussi un exemplaire PDF là, sur les. Allez, ah mais ouais. J'en ai un deuxième sinon. Oh ouais, trop ah bien. Ouais. Bah ouais, j'en ai même un troisième. Alors, ouais, explique un petit peu. Qu'est-ce qui me fait ça y est, le lecteur pourri. Est-ce que tu veux que je te fasse un peu l'intro, ouais. Mais de vive alors, voix. Alors déjà, tes premiers numéros, tes trois premiers numéros, c'était du A4, là c'est du A3. Du ah A4. Non, alors le premier, là, c'était A4, le deuxième A5, troisième A4, et là, de A5, retour sur le A5. Tu alternes. Bah pas vraiment, en fait, je fais un peu comme je le sens au moment où je le fais, quoi. Bon, c'est un peu c'est la suite des précédents, enfin du précédent numéro en tout cas pour le début que j'ai lu en entier, ouais. C'est-à-dire retour sur votre folle escapade à Montréal. Ouais. Ouais, c'était bien chouette. Du coup, ça commence direct par un petit trip report de 10 jours passés à Montréal. Mais c'est pas comme sur le précédent où je raconte jour par jour. J'essaie de faire un truc un peu général où je raconte 2-3 histoires qu'on a vécues à droite à gauche là-bas. Il y avait moins de trucs à raconter, peut-être quoi. Ouais, aussi. Ça a été... Non, mais ça a été plus tranquille quoi. Déjà, on était chez ma famille donc. On sortait moins et puis on était en banlieue. Et t'es surveillé par ton oncle ? Ah non, pas du tout. Par ta matante, je sais pas quoi. Non, pas du tout, par mes petits cousins, ouais. Non, ouais. Fallait faire un peu de babysitting aussi. Ah oui, d'accord. Non, je rigole. Tu nous écoutes là ? Non, sûrement pas, non. Je sais pas moi. Tu crois que ça capte le 106.6 à Montréal ? Non, mais peut-être qu'ils vont choper par le web. Ah, peut-être, on verra. Campusville.com. Ouais, je pourrais leur envoyer. Ouais. Théoriquement, il n'y a pas trop de ronflettes sur l'internet. Sur le DAB. Ah, trop de ronflettes sur l'internet. Ou un DAB, ouais, non, pas non plus, pas le DAB. Et ouais, donc, ouais, vous avez quand même réussi à vous baigner dans des endroits cool, à faire des peintures cool et à voir des concerts cool. Ouais, moi, ça je va. Dis, c'est pas mal. Voyage cool. En combien de jours ? En 10 jours. Ça va. Bah ouais. Alors, c'est bien Montréal. Alors, c'est quoi la différence entre Montréal et New York ? Oh, rien à voir. Déjà, Montréal, c'est une ville francophone. C'est une des rares villes francophones en Amérique du Nord. Et puis aussi, New York, c'est vachement démesuré. Tous les bâtiments sont très, très hauts. Et en fait, à Montréal, t'as une loi qui est passée il y a très longtemps qui limite la hauteur des bâtiments à 3 étages. Du coup, ça fait un peu comme à Lille, quoi. T'es pas trop largué dans la ville. Après, même ça dans reste... le centre-centre, il n'y a pas de gratte-ciel ou truc comme ça. Si, t'as un centre d'affaires, forcément. Mais globalement... Enfin, nous, on n'y était pas, quoi. Il n'y a rien à voir là-bas. T'as les universités et là où ça fait du fric, mais on n'était pas là pour faire des études. Ouais. Et donc, ce que t'as étudié, c'est la banlieue morose. Pas la banlieue vraiment, non. On a surtout traîné dans les quartiers cool de Montréal, quoi. Donc, t'as le quartier de Saint-Henri, le plateau Montréal. Comme maintenant, les gens vont plus aller aux États-Unis parce qu'ils risquent à tout moment de se faire choper par le ICE. Ouais, ça c'est clair. S'ils veulent aller en Amérique du Nord, ils iront au Canada. Ah ouais, le Canada, c'est super. On n'y pense pas assez, mais c'est vraiment chouette. Il y a quoi de beau à voir ? Enfin, de bien. Beaucoup de choses. La nature est très belle, même si on est beaucoup resté en ville. Mais beaucoup de lacs. Montréal, c'est une ville qui est très, très verte. Du coup, c'est vraiment agréable à arpenter l'été, parce que c'est vraiment c'est rafraîchissant, quoi. T'es dans l'ombre des arbres tout le temps. C'est beaucoup moins dense aussi comme ville que New York. Donc, en fait, c'est une ville qui est quand même assez européenne pour comparer à l'Amérique du Nord. Mmh. D'accord. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et des lieux, je sais pas, des lieux, des squats, des machins, il y a quelque chose ? On n'a pas trop fait de squats, non, même pas du tout. Mais non, après, il y a plein de bars cool, plein de quartiers chouettes. T'as des recommandations pour les autres ? Beaucoup de parcs. Non, pas vraiment. Malheureusement, non. T'aurais pu réviser avant de venir, quoi. Ouais, peut-être. Non, mais je sais pas, Montréal, il y avait quand même moins de lieux vraiment marquants que New York. En général, c'était des endroits où on traînait. Mmh. On faisait en one shot et on n'a pas vraiment, du coup, pris le temps de vraiment connaître un lieu spécifiquement, quoi. Mmh. D'accord. Mais il y a moyen de se débrouiller. Par exemple, si vous voulez des concerts punk, t'as un site internet qui est Montréal Ask a Punk. Askapunk.montréal, chose comme ça. Ouais. Non, c'est Montréal.askapunk.com. Ouais, possible. Dans genre, ouais. Et du coup, là, t'as tous les concerts de répertoriés, un peu comme Shpunk, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le Ask Punk pour, je sais plus, Lille. Ah ouais, faut faire péter l'URL, là. Voilà. Bref. Non, mais pour l'instant, c'est un projet secret. On verra ça après. On verra ça plus tard. Ouais, donc, oui, on peut toujours se rabattre sur ces ressources-là. Tant que l'Internet existe, c'est bien. Ouais. Allez, il est déjà 21, 22 presque. On va... Non, oui, si, 22. On va passer de la musique. Tu nous as ramené plein de choses. Ben ouais, allez, si on reste un peu dans le thème, il y a un groupe que j'ai vu là-bas qui s'appelle Tenaz, et c'est une des membres qui avait organisé la tournée de Traître en Amérique du Nord. Non, je trouve pas. Et j'ai ramené un petit son de Traître qui s'appelle Traîner. Ah oui, d'accord, il est là. Du coup, peut-être qu'on peut l'écouter, comme ouais. Ça, c'est pas totalement largué. Puis après, peut-être, pendant ce temps-là, je vais essayer de trouver quelque chose de tenace sur Bandcamp. Il devrait avoir. Allez, bah ouais, ce serait bien, c'est chouette. Pour l'instant, voici Traître sur Radio Campus. We'll be right back. Pyongyang City Rockers numéro 425 avec Pierrock, le monsieur de Réveil Forcé, qui vient de sortir son numéro 4. Vous êtes bien sur Radio Campus, j'ai déjà dit, bon, on s'en branle. Enfin non, on s'en branle pas, c'est bien. Ouais, non, si, quand même. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le replay, le podcast. Le replay, c'est sur Campus, le podcast, c'est sur le site de Pyongyang, cityrockers.wordpress.com. Vous saurez tout. Alors, c'était quoi qu'on vient d'écouter là? C'était Ténaz. Voilà, les gens de Montréal. Ouais. Qui s'expriment des jantes. C'est ouais. Tout des demoiselles et des dames. Voilà. Ouais. Qui s'expriment en espagnol. Exactement. Je crois qu'on a déjà passé. Je crois ouais, déjà ça passé me dit quelque soir, chose, ouais. C'est assez bien. T'as des anecdotes sur Ténaz? Ténaz, ouais. Malheureusement, leur concert au Pizza Courtrai cet été était assez laborieux. C'était une bonne occasion parce que t'avais en fait, tu les avais prises en photo ouais. À Montréal, et puis t'avais dit, quand on se verra au Pizza, je vous fierai les photos en papier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Eleanor, grâce à qui j'ai tous mes doubles de photos et qui me permet de faire mes zines comme ça. Et puis d'offrir aussi les photos aux gens. Ouais. Et voilà. Et non, pour l'autre anecdote, Ténaz. Et donc t'as pu leur remettre les photos en arrivant au pit. Ouais, quand même. Voilà. C'est the place to be, où j'y étais pas cette fois-là. Ouais. J'ai raté parce que apparemment le concert était haut en couleur. Ouais, ils avaient joué avec Short Days et puis sûrement un autre groupe, mais je sais plus qui. Regardez dans les archives de Spotify. Ouais. Après, j'ai des trucs à dire par rapport aux archives, parce que je suis tombé sur une discussion assez intéressante dans ton zine. Et alors, donc, deuxième anecdote, quelque chose Non, j'allais me lancer sur un truc, mais en fait, c'est sur un autre concert au PIS, donc rien à dire, rien à déclarer. Bon, c'est tout. Donc, prochaine tournée de Ténaz en 2026, on ne sait pas. Aucune idée, ouais. Peut-être qu'ils reviendront. Ah ouais, faudrait leur envoyer un message. C'était un concert apparemment au Pits qui était émaillé de pain technique. Ouais, c'était assez laborieux. Donc elles ont quand même dû s'accrocher, quoi. C'est ça la vie d'artiste, la vie de punk. Hein, voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Je n'ai pas de pain. Alors sinon, dans ton numéro 4, attends, il fait combien de pages déjà? Il fait 48 pages. 48 pages, t'es fou, toi. Il y a de la BD dedans, c'est ouais. Quoi? C'est un copain qui, son nom c'est Juju Comics. Lui en fait il fait une série de BD sur, il s'est inventé un personnage qui s'appelle Ratigno. C'est un petit personnage, c'est un rat qui est punk et graffeur. Mmh. Et du coup il raconte ses mésaventures ou ce qu'il kiffe faire, son petit personnage. Ouais, en fait toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que pure coïncidence. Voilà, exactement. Et du coup, ouais, vraiment très content qu'il m'ait fait quelques petites pages pour mon zine, ça fait super plaisir. C'est rigolo. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu encore. Pour le pitch, ça commence où Ratigno invoque le génie du dépôt, donc du dépôt de fret, en tirant sur son buzz. Voilà. Okay. La suite en lisant le numéro 4 de Réveil Forcé. Attends, donc justement, y a pas mal de photos, tu viens de le dire. Ouais. Grâce à Eleanor. Et puis sinon, ce sur quoi j'étais là, à lire dans le métro en arrivant, ouais. C'est une interview d'un gars qui avait une boutique de graphes ouais, à Lille. Qui s'appelait Cap d'Origine, et c'est aussi ouais. son surnom. Quoi. C'était où cette boutique? C'était rue de l'Hôpital Militaire, juste d'accord. À côté de la boutique du LOSC. Aujourd'hui, c'est un magasin de CBD. Ah, oui. Kiff okay. Tu peux faire le CBD ou bien sniffer les bombes? Ah, je préfère sniffer les bombes. Voilà. Et donc, le Cap d'Origine, apparemment, c'est un monsieur qui a cœur de, non seulement de dessiner, mais aussi d'en garder une trace ouais, pour sûr. Les siècles des siècles. Et, j'étais là dans la discussion, dans votre discussion. Elle est vachement intéressante, cette interview. Je te le ok, dis bah super. Je pensais que ça allait perdre un peu les punks, cette interview, parce que ça reste quand même assez technique ce qu'on raconte dedans, mais. Non, mais en même temps, ça titille mon côté archiviste aussi. Ah. Moi, c'est pas du graphe que j'archive, c'est plutôt du flyer et de la fiche de concert. Mais on se rejoint sur les questions qu'on se pose, quoi, en fait. Ouais. Tu peux en dire deux mots, en fait, sans tout dire, parce que quand même que les gens ils en apprennent de plus quand ils vont lire. Ben... Ouais. On revient un peu sur son parcours, de ce qui l'a amené à prendre en photo les tags qui l'entouraient. Parce qu'en fait, au début du graffiti, c'était assez compliqué, au début du mouvement, du mouvement graffiti, il y avait peu de gens qui prenaient en photo les trucs, parce que du coup, en fait, le graffiti, c'est un truc qui se fait quand on a très peu de moyens. Et du coup, en fait, les gens prenaient pas en photo parce qu'il y avait que l'argentique. Donc, ouais. En fait, ça coûtait beaucoup d'argent aux gens, et donc ils prenaient en photo ce qu'ils faisaient eux, mais pas ce que faisaient les autres. Donc, Et puis souvent, quand même, le résultat à faire avec un Instamatic, tu sais, les tout petits. Ouais, souvent, c'est pas photo, terrible aussi. C'était pas jeune, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, on parle un peu de tout ça, de comment lui, il essaie de laisser une trace de toutes les photos qu'il a prises, de toutes les histoires dont il a eu vent. Et il y a une réflexion intéressante, c'est qu'il dit, ouais, c'est bien de prendre des photos, mais derrière, la photo en elle-même, elle fixe uniquement ce qu'il y a sur le cliché, mais toute l'histoire qu'il y a derrière, tout le contexte, tout ce qui se passe dans la ville où le graphe a été fait, etc. Ça, on l'a pas, quoi. Oui, c'est clair. Et donc, lui, il se décrit comme un historien, quoi. Enfin, ouais, lui, ouais, clairement. Et c'est très intéressant, parce que, bon, faut oser, parce que les historiens qui font la grande histoire, tu sais, c'est des scientifiques, quoi. Et se dire historien quand on fait des trucs de punk ou de graphe, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, c'est une position pas évidente à prendre, parce que c'est assez mal vu en fait de se considérer comme ça historien dans le graffiti, parce que c'est avoir son propre point de vue sur une scène qui a eu à un moment donné. Mais chacun a sa vision du truc, et aussi il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec ça, moi j'ai vécu ce truc là et j'en ai pas la même vision. Et du coup, qui es-tu pour écrire sur papier ta vision mais pas la mienne? Et donc c'est assez compliqué, on parle aussi un peu de tout ça dedans. Ça va jusqu'à dire faudrait pas décrire les choses pour ne pas pas heurter les sentiments d'autres personnes. Ouais, c'est clair. En fait, à chaque fois que quelqu'un. Un autre souvenir, quoi. Ouais, à chaque fois que quelqu'un essaie d'écrire quelque chose par rapport à ça, t'es sûr de te prendre des tollés derrière mais je suis pas d'accord. Je suis d'accord. T'aurais pas dû faire ça, t'es qui pour faire ça? Je suis d'accord qu'ils sont pas d'accord. Mais on a la même chose dans tout ce qui est punk, etc. Enfin, plus côté musical. Où là, quand même, il y a quelques années, on a commencé à voir fleurir des montagnes de bouquins faits par des universitaires plus ou moins anciens punk, ou toujours punk, quoi. Alors, t'as des trucs intéressants, mais alors t'en as d'autres, tu te demandes ce qu'ils ont fumé. Et je suis d'accord que, il y a des trucs que je lis, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con, quoi. Il y en a un qui racontait, je crois que j'avais déjà dit ici, il y en a un qui racontait que y a du punk en France, il y en a surtout sur la façade ouest, donc, tu sais, entre la Bretagne et puis Nantes, et puis après, quand tu descends le long de la côte, mais ailleurs, à Paris, mais ailleurs, beaucoup moins. Puis en fait, donc, tu dis ça, mais qu'est-ce qu'ils vendent, c'est n'importe quoi, quoi. Ouais, enfin, voilà. Et puis en fait, quand tu lis son introduction, il précise bien que lui, il y a des contacts surtout dans ces coins-là, et donc que son étude, elle porte surtout sur les coins qu'il a décrits. Voilà. Ouais. Donc forcément, il saura pas ce qui se passe à Lille, à Metz, à, je sais pas où, à Strasbourg, à Lyon. Enfin bref. Oui, ça reste des histoires très locales. Et ça reste des histoires très locales. Et puis des fois, il y a des gens qui essayent d'avoir d'en tirer des vérités générales. Et bonjour. Quoi. C'est comme ici, quoi. Nous, pour nous, le centre du monde, c'est quoi? C'est le CCL. Hein. C'est le CCL et le triangle magique, Lille, Courtrai, Tournai. Aussi. Voilà. Ouais. C'est vrai. Voilà. T'es là dans ce triangle-là. La métropole européenne du rock. Ah, c'est beau. On va faire des R. C'est ça. Prochaine session de graphe, les mettre des R à la place des L sur les panneaux mail. Allez, ça serait beau. Je t'emmène. Ouais, d'accord. Ah, moi je veux bien. T'sais. Allez. Donc il y a ça. Bon, je suis pas allé à la fin de l'interview, mais bon, je pense qu'elle vaut son poids de nougat son poids de peinture du début à la fin. Ouais. Plein de photos de concerts. C'est quoi la dérive? C'est où? La dérive, c'est un bar associatif à Nantes. D'accord. Bon, beaucoup trop à l'ouest pour moi. Enfin, et beaucoup trop au sud aussi. Hein. Ouais, je comprends. C'est au sud d'Amiens, c'est déjà des barbares hein, pour moi. Et encore un peu plus loin, il y a des photos de concerts à Rennes. Et encore un peu plus loin de Brass Part, au Old Dirty Beat Fest. Oui, non, mais ça va encore. C'est en Bretagne, c'est des copains. Oh, attends. Non, c'est pas vrai. C'est quand même un peu plus loin que Nantes. Hein. Oui, d'accord, mais la Nantes, c'est presque la Bretagne, mais pas tout à fait. Et Oh là, te lance pas sur ce sujet-là. Il y a pas longtemps, on a eu quelqu'un ici qui parlait de Rennes comme du paillasson de la Bretagne. Ah donc, oui. Maintenant qu'on en est là, moi je dis, bah, c'est bon, je peux dire que Nantes, c'est pas tout à fait la Bretagne non plus. Hein. Si tu veux, c'est comme, je sais pas, attends, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire comme connerie bah, Amiens, c'est pas tout à fait le Nord-Pas-de-Calais. Ah non, mais ça, voilà. Je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire passer un nouveau nom, Hauts-de-France, mais ça marche pas. Ils ont beau avoir mis un cœur sur le logo, ils nous duperont pas. Ouais, c'est ça. Notre cœur est à nous, t'as vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là, je suis pas allé plus loin que cette interview de... On a une autre interview avec Anatole qui fait ses fanzines punk sans issue. Et du coup, on parle de comment il en est arrivé à faire des fanzines et qu'est-ce qu'il pense de comment il crée assez concrètement ses fanzines. Mmh. Aussi une petite question par rapport au prix libre et tout ça. La marque des ciseaux qu'il utilise, la marque de colle. On n'est pas allé jusque-là, mais je pourrais. Hein. Ou alors il fait tout à l'ordinateur comme un sale jeune duster. Non, je crois pas. Ouais. Tiens, d'ailleurs, toi, non, d'abord on va passer de la musique et après je te poserai des questions sur la fabrication. Ouais, bien sûr. Enfin, sauf si vous avez des choses à demander aussi. Hein, moi, je... Non, bah, du coup, vu que je viens seulement de l'avoir. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Tu vois que tu aurais dû l'envoyer une semaine à l'avance. J'ai été assez occupé ces derniers temps, malheureusement. Allez, musique, parce que là, on n'a pas passé grand-chose. Tu veux passer quoi, Mister? Moi? Oui, toi, c'est à vous, Pierrot, que je m'adresse. Je sais même pas ce que j'ai ramené dans ma clé USB. Donc, En plus, moi, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, il y a juste Can't Walk in My Shoes, c'est quoi ça? Ah bah vas-y, tu peux mettre ça, c'est du hardcore de je sais plus quelle ville aux États-Unis. C'est un graffeur qui a fait ce son. Et ça dure 1 minute 04, donc ouais. Si tu veux, est-ce qu'on mettrait pas derrière? C'est toi qui a ramené Dynasty aussi? Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, on va mettre Dynasty derrière. Allez. C'est quoi, c'est par rapport à un pan culturel que tu ne nous as pas encore exposé? Bah hein, non, mais c'est le petit côté hip-hop, quoi. D'accord. Alors donc, Can't Walk in My Shoes, je sais même pas qui c'est. Je vais regarder dans les informations. C'est comment ça s'appelle, je sais même plus comment ça s'appelle. En fait, c'est même pas marqué sur le nom du fichier. Non. Je sais plus. Je vais retrouver pour désannoncer le nom de l'artiste. Donc, premièrement, XXX qui font Can't Walk in My Shoes, et ensuite Dynasty, avec un conseil, surtout à toi. Jamie, soyez responsable. Allez, sur je le suis. Aïe. Aïe. Tant pis, à chaque enfant une destinée. Trop de parents se sentent si peu concernés. Heureusement, il y en a qui sont aimés et pas toute la haine accumulée, tout le désespoir. À chaque seconde, des milliers de gosses en sont victimes. Les scénarios morbides et cruels sont pas rarissimes. En fait, beaucoup de parents trouvent leurs petits embarrassants. Ceux qui naissent handicapés sont encore plus gênants. On les jette au comme tant d'autres en orphelinat. Pourtant, ces pauvres petits n'ont pas choisi d'être là. Je crois que papa et maman sont des mots galvaudés. Trop d'enfants mal aimés deviennent des problèmes de société. Mais peut-être qu'il faut de tout. Vous avez donné la vie, hein, vous êtes responsable. En Occident, les gouvernements agissent en technocrate. Ils offrent des allocations, c'est leur esprit démocrate. Ils font des campagnes pour élever la natalité. Pourtant le chômage pandémique et ils prétendent s'en soucier. Dans le tiers-monde, la religion veut au maintien des traditions. Il faut faire des enfants tant pis pour la sous-population. Tant pis si la plupart vont mourir de faim. Quand ce n'est pas du sida et personne n'y peut rien. À Bogota, la politique infanticide est légale. Les escadrons d'amour sont une fierté nationale. Ça y est, on l'a retrouvé. Rattrapage express. Can't Walk in My Shoes, là, juste avant Dynasty, c'était un titre de Product of Waste. Exactement. Que je n'ai pas l'honneur de connaître. Enfin, on peut pas tout savoir. Bon, c'est pas bien connu, mais. Non, voilà. Bon. J'aime bien. Chose trouve. Et Dynasty, soyez responsable. Une manière d'être responsable, c'est de faire partie de la grande famille des gens qui font et ou lisent. Ou les deux, des fanzines. Pour ça, une bonne adresse, le CCL de 41 rue Vendic, pas loin du CCL 1 en fait. Ouais, à 50 mètres, en face, quelque chose comme ça. C'est samedi, à partir de 17h, il y aura une après-midi distro. Après-midi soir, ouais, c'est 17h-22h. C'est long quand même. Enfin, ouais, mais ça va être chouette. Format apéro où on peut discuter autour de ce qu'on lit dans les zines, de ce qu'on entend dans les disques et tout ça. Ouais, et puis on va écouter du son aussi, passer quelques petits disques. Commencer à causer de si on s'organiserait pas une petite permanence mensuelle au CCL2 pour causer. Zine, poser des zines ou même faire atelier d'écriture, faire ça ensemble. Ça. Puis aussi atelier de façonnage, pourquoi pas, ouais. Parce qu'il y a plein de manières différentes de faire des zines rigolos. C'est organisé par Louis Pleur et par Lucas Distro. Distro. Ouais, coucou. Ouais. C'est pas. Et donc ouais, c'est samedi à partir de 17h, c'est celle de 41 rue Vendique, tu y seras. Ouais, j'y serai, j'aurai ma distro et d'autres fanzines que j'ai fait le mois dernier. Mm-hmm. Qui sont pas des fanzines pas trop punk, plutôt autour de l'univers graffiti, mais il y en a un avec que des tags que j'avais pris en photo à New York, et un autre que j'ai fait justement à Cap d'Origine, que j'ai interviewé dans le dernier Réveil Forcé, à propos d'un pont, un pont de voie ferrée qui avait à Wascal, le long du bras mort de la Deule, qui a été détruit il y a 2 ans, mais c'était un pont vachement beau où un arbre avait poussé entre les rails du pont. De la voie ferrée. Okay. Et du coup, c'est un peu fanzine poétique. Impossible, ouais. Ah ouais. Okay. Ça, je me dis, ça me dit quelque chose, ça. Voilà. Oui, alors tu fais la, enfin tu dis bien la distinction entre zine graph et zine punk, mais en fait, Ça reste un fanzine. Hein. Non, mais ça se recouvre. Enfin, il y a quand même il y a plein de trucs qui sont en commun. Oui, il y a des similitudes, c'est clair. Ouais. Ne serait-ce que pour aller faire du graph, en général, faut, disons, faire les choses en DIY à sa mode, et puis des fois en s'affranchissant de certaines réglementations. C'est clair. Voilà, c'est de la débrouillardise, tout simplement. Il y a beaucoup de spots sur l'île, autour de l'île, où on peut... Pour Je sais pas, pour faire de la peinture. Chaque mur est un endroit où on peut en faire, mais non, il suffit d'être curieux, aller s'aventurer au fin fond des ruelles ou aller franchir une palissade, et puis on tombe sur des endroits, on tombe dans les failles de la ville, quoi. Ouais. Et du coup, c'est des bons endroits pour faire des peintures. En fait, la question que j'ai mal posée, ce qu'il y a, c'est que je me dis que pour faire un graphe qui soit intéressant, il faut aussi qu'ensuite il puisse être vu par beaucoup. En fait, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est vraiment deux pratiques différentes dans le graffiti, c'est qu'il y a les gens qui vont chercher à être vus par un maximum de monde, ce qui au final est peut-être pas hyper intelligent, parce que je pense que le commun des mortels en a rien à foutre des graphes et les lise pas, et c'est juste du paysage urbain. Mais après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt aller planquer mes peintures, et du coup, où t'es sûr que les gens qui voient ton truc soient vraiment des zonards ou des gens curieux, et des gens... il va y avoir peu de gens qui vont voir ta peinture, mais ça va vraiment les marquer, parce qu'ils vont se demander qu'est-ce que t'es allé branler là. Et enfin, c'est juste une histoire de découverte dans la ville, en fait, de D'accord. curiosité. Donc moi, j'aime bien faire des deux. Ce qui rejoint les questions qu'on évoquait tout à l'heure là, par rapport à Cap d'Origine et son côté historien, où t'as des gens qui ont rien à foutre. En fait, le graphe, il est là, et puis on le voit, c'est bien, on le voit pas, bah tant pis. Puis en fait, c'est deux choses vraiment différentes, parce que où on peut aller faire un graphe rue de Béthune et on sait qu'il va être effacé dans une semaine, où on va faire un truc dans un truc planqué et il va y avoir beaucoup moins de monde qui vont le voir à la journée. Mais il va rester peut-être 15 ans. Alors il y a aussi des lieux qui sont très visibles, où des graphes arrivent à rester quand même un paquet d'années. Je me souviens en particulier rue Féderbe. Tout en haut, t'as la rue des Ponts de Comines qui traverse la rue Féderbe. Ouais. Et l'immeuble qui fait le coin comme ça, tout en haut, t'as une espèce de soupente, en fait, avec un pan en bois, je crois. Et il y avait quelqu'un qui était allé faire un graphe qui prenait vraiment tout le pan du mur. Et c'était marqué Syndicat du crime, avec, je crois, des silhouettes. Okay. Et vraiment un truc, et un beau truc, quoi. C'était vraiment magnifique. Quoi. Ah bah, je l'ai pas connu, Et c'est resté, je dirais, un peu. Plus de 10 ans, quoi. Et un jour, je pense que les propriétaires ont dû peut-être en avoir marre, ou qu'ils avaient besoin de vendre, donc quand même, virer ces ouais, horreurs. Après, difficulté d'accès, dit aussi difficulté pour nettoyer, donc ça va rester plus longtemps aussi. Là, t'arrivais de la gare, et franchement, tu levais les yeux à peine, et tac, tu voyais le truc, bam, comme ça, en rouge en plus. Ah, c'est comme ça que c'est bon. Donc quand même, des fois, il y a moyen de faire des choses qui sont très visibles, qui durent. Ah oui, bien sûr. Il faut les trouver. Il y a aussi tous les graphes sur l'autoroute, enfin autour des autoroutes, sur les ponts et tout. Ceux-là, ils restent quand même un peu plus longtemps en général. La section entre Porte des Postes et puis après, là. Ouais. Ouais, c'est clair, partout, hein, toutes les rocades. Un gros graphe palestinien, Porte là. Des Postes à bois blanc. Ouais, c'est ça, dans ce coin-là. Ouais. Et faut passer sur l'autoroute, donc faut être en voiture. Je suis souvent en voiture. Moi non plus. Voilà, quoi. Mais bon, ça peut être aussi. Toi, tu fais des graphes politiques ou pas? Ça m'arrive des fois, mais quand même assez rarement. Mais plutôt, en général, en ce moment, j'écris plutôt mon nom et puis je fais des petits clins d'œil avec des petites phrases politiques que j'arrive à glisser dedans. Mais pas vraiment des trucs en gros, quoi. Ça m'est arrivé d'en faire sur des trains, mais parce que ça s'y prête bien, mais... Ouais. Non, sinon... Le train, il voyage, donc il y a plein de gens ailleurs qui vont tomber dessus. Ouais. Tu t'écris aussi des paroles de chansons, des fois? Alors, est-ce que j'ai vu ça? Ouais, mais j'en ai fait assez peu, là. Il y a une phrase de Flux of Pink Indians. Ouais. I don't want your progress, it tries to kill me. Ouais. Très bien. Phrase qui résonne bien dans ma tête. Attends, il y a même un truc, sauf Keep Punk de Bulldozer. Ah ouais, exactement, ça j'aime bien faire ça. sur un train. Non, c'est celui-là, c'est pas sur un train, non, c'est sur un mur de voie ferrée à Liège. Ah. Ouais, d'accord. Ah oui, les cowboys de Liège. Exactement. Mmh. Fuck you. Mmh. Ok. Et c'est là que c'est bien d'avoir le zine en format papier, parce qu'on voit bien les pages dans l'ordre, l'une à côté de l'autre. Parce que quand tu le vois en PDF, en fait, c'est une page au-dessus de l'autre. Et tu vois les cowboys. Ah, t'as pas l'aperçu Tu peux mettre non, mais sur le téléphone. Ah oui, sur le téléphone. Sur mon ordi, j'arrive à voir comme ça, mais bon. Ouais. Non, mais là, c'est parce que tout à l'heure, je le regardais sur le smartphone qui n'est pas smart. T'as dû zoomer, hein. T'as dû loucher. Non, ça va, je le mets comme ça. Petite question, on déborde ou on déborde pas? Bah, je pense que là, on est bien parti pour déborder, les enfants. Ok, ça marche. Ouais, débordons un petit peu, pas forcément toute l'heure qui arrive, mais un petit peu quand même. Attends, voilà. Ah ouais. Et j'ai dit, c'est un bon client, en plus, c'est vrai. J'ai la parlotte facile, j'avoue. Ouais, t'as la parlotte facile. Donc, on n'a pas encore abordé les histoires de fabrication. Mais non. On va repasser de la zic, là, vu que ça fait presque 10 minutes qu'on parle. À votre tour, là. Hein, moi, j'en ai marre d'avoir le monopole. Allez, qui c'est qui veut passer quoi? Vas-y. Non, pas moi. Pas toi. Attention, parce que du coup, ça va être Jabo, il veut nous passer encore un petit truc de... Bizarroïde. Ah ouais, Nicap, ouais, ça peut le faire, ouais. Qu'est-ce qui te vient, là? On entend moins parler d'eux maintenant. Ah ouais, bah là, attends, je cherche dans mes memories. Smugglers and Scholars. Ouais, donc, alors, on en est où? Vous écoutez Pyongyang City Rocker numéro 425. Ouais. Et c'est Jamo qui cherche ses memories. Smugglers and Scholars. Donc, ça veut dire... Les contrebandiers. Et érudits. Voilà. Voilà. Alors, ça parle d'obtenir des armes avec des dollars américains. Fastoche. Ouais. Il n'y a pas de confiance pour les flics. Maintenant, tous les garçons noirs dans les magasins avec des cocktails Molotov et leur pierre préférée. Et ouais, voilà, Kneecap, Smugglers and Scholars sur Radio Campus Lille 106,6 DAB+. FM, ouais. DAB+. Ouais. Campuslille.com. Yeah. Yeah. Should I And if they're trying to say, but the neighbors are wasting blue, cause they're not no spies. Hang around hoes and the snide doing laps. Hunting Sean, ill trust on the cops, and the boys in black at the shops with the paddle bones and the favorite rocks. It's problem or fumble, still keep a hair down, shoes on the cobble. Show team strategy, movement subtle. Man of a few words, couple of fuckle. You think it's all poetry and trovers. When the train codes and police land rovers, south to the earth looking over the shoulder. Someone chatting turf chopper hovering over. Shuffling and crush, can you got project the shock is crush? Joy Radio, Johnny Scherzer, Christian, Cantor, Sean, Pushal, Hishal. It's not catchphrase, don't say what you see. Spent the crush again, third of Sydney. They won't need a warrant and they won't need keys, cause they got an appointment with your son's knees. Smugglers and scholars, getting guns with American dollars. Did it before, did it again, no better, don't need your help with internal mass. Smugglers and scholars, getting guns with American dollars. Did it before, did it again, no matter. Don't need your help with internal matter. Ça finit comme... Ça finit comme iceberg. Ouais, un peu. Bon, il est 21h37 à l'antenne de Campus 106,6. On va continuer encore pendant quelques minutes de ce Pure Gangsta Rockers, vu qu'on n'a pas encore abordé tous les sujets que l'on voulait aborder. C'est vrai. Je tousse. Ça va Bon. Du coup, je passe un petit morceau. Bah ouais, allez, je vais passer un groupe, enfin c'est un groupe, c'est un projet solo de Lo-Fi Garage Punks de Los Angeles. Ça s'appelle X-Ray Xerox ou alors X-Rox, je sais pas trop. X-Ray Xerox, ouais. Ouais. Bah, c'est une photocopieuse à rayon X, voilà. Mmh. Je pense. Hein. Sur scène et dans ses clips, il porte une cagoule rose, un peu comme celle de cuir, mais la sienne n'est pas en cuir, elle est en laine. Mais il a vraiment son imagerie autour de ça. Le morceau que j'ai choisi de passer vient de l'album Nevermind Whatever, qui est sorti en cassette chez Robo Cannibal Records l'été dernier. Ça s'appelle Do You Wanna Sniff Some Glue de Xerox. Yeah. Eh ben ouais, c'était quoi ça? C'était Malatesta, un groupe allemand, comme son nom n'indique pas, et le titre étant en néerlandais, enfin il me semble, Lichtgas, gas d'éclairage. J'ai pas compris, en plus il n'y a pas les paroles, donc bon, mais ça c'est sorti là, il n'y a pas longtemps. Je pense que j'en repasserai parce que c'est vraiment très bien, ouais, cette affaire. Cool. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, c'est numéro 425. On a déjà dépassé de 7 minutes, presque 8, dans cette. Scandaleux. C'est affreux. Dans cette interview, dans cette discussion à bâton rompu avec Pierrot, qui se cache derrière les pieds de micro. J'aime beaucoup cette forêt de trucs en métal là entre nous. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Tu dois un peu loucher pour te voir net, mais. Ouais. Il y a un texte qui nous a sauté aux yeux avec Célia, c'est trouver sa place. Sa place se trouve vers la fin d'usine. Et ma place se trouve maintenant dans les studios de Pyongyang City Rockers de Radio Campus. Exactement. Tu dis que c'est le texte le plus personnel que tu aies écrit jusqu'ici, c'est vrai ça? Ouais, ça m'a un peu fait flipper de le publier, mais finalement je me suis dit, bon, tant pis. Toi, t'écris pas des trucs renversants, enfin je veux dire, je dis pas que c'est pas original, mais c'est des trucs tout à fait recevables et compréhensibles. Moi, tu parles du fait que toi, tu viens d'un milieu graph et puis que tu as fait ta place petit à petit dans un milieu punk à Lille. Ouais. Et que. Vas-y, un peu, résume. Je vais pas raconter tout le texte. Déjà qu'il est pas bien long. Il y a deux pages à cinq. Donc, mais en fait, ouais, ce texte, vous le lirez pour les curieux qui ont envie de se procurer mon fanzine, mais. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un texte qui a pour vocation d'être pris au pied de la lettre et d'avoir une intro, une conclusion. C'est plutôt quelque chose dont j'ai envie de parler avec les gens après. C'est un prétexte pour parler des milieux dans lesquels on traîne d'une manière générale, quoi. Ouais, et donc pour toi, il y a un côté dans le milieu graph, en tout cas les gens que tu as côtoyés, un côté plus égoïste, alors que dans le punk, moins égoïste. Après, non, c'est différent, parce que là, j'avoue que je suis un peu aigri dans ce texte-là, et puis les graffeurs dont je parle dedans, c'est des gens que j'ai pas beaucoup côtoyés, mais juste qui m'ont foutu un seum... À un moment donné, et encore des fois maintenant, mais globalement, mes potes graffeurs, c'est des amours et je les adore. Et on est. On pense globalement les mêmes choses et puis on est assez d'accord sur notre manière de pratiquer le truc, mais notre manière d'être au quotidien. Mais. Je sais que j'ai de la chance de côtoyer ces gens-là et que c'est pas du tout le représentatif du milieu graffiti en général, quoi. Mais c'est comme le milieu punk lillois, en tout cas les gens qu'on peut côtoyer au CCL, surtout en ce moment, qui est pas forcément représentatif de milieu punk qu'on peut trouver dans d'autres coins. Ouais, je suis d'accord avec ça. Voilà, quoi. Et où d'ailleurs même au CCL, il y a des gens qui s'y retrouvent pas forcément, hein. Enfin bon, c'est question de tempérament, je sais pas. Ouais, chacun trouve sa place là où il peut. Ben ouais, voilà. Et par contre, ouais, la chance qu'on a, en tout cas, c'est d'avoir un lieu comme le CCL. Faut le bichonner, faut le protéger. CCL ou rien. Ouais, les nouvelles sont pas très très bonnes d'ailleurs. Non. Du CCL. Ouais, c'est-à-dire. Le proprio met la pression de plus en plus pour arrêter le bail, quoi. Aïe. C'est des questions qui sont abordées depuis peu là en AG, mais on en saura plus plus tard, je pense. J'en avais entendu parler par Jean-Phi il y a une petite année là, puis apparemment ça. Ouais, là c'est revenu, mais en fait le proprio refait des relances là-dessus de plus en plus régulièrement, donc ça craint un peu. On verra bien ce que ça donne. Hein. Ouais. Question de pas aux normes et de trop la fête, et il en a marre de recevoir des plaintes, mais peut-être qu'aussi il joue sur le fait que il veut se dédouaner de ce qui se passe dans le lieu qu'il loue. Pour si jamais il y a un problème au tribunal de dire moi j'ai jamais été d'accord. Bref, on va pas commencer à parler de ça. Et puis c'est assez courant dans le milieu des propriétaires de lieux de faire ce genre de truc. Ouais. Eux par contre ils sont vraiment très très ils ont une attitude commune. Et ils sont égoïstes entre eux-mêmes. Voilà. Mais bon ouais, c'est vrai que si y a un danger sur le CCL, comme déjà il y a aussi un danger sur la malterie qui est pas loin. Ouais, c'est vrai. Boum boum boum boum. Petit aparté, apparemment il y a des FAF qui ont encore fait parler d'eux ce week-end, vendredi, il y avait Burning Heads et je sais plus quoi, Lofofora, je crois. C'est ça. À Lillère, à l'abattoir. Très, très ancienne salle. Putain, ça date de quand? 75, je crois. J'en ai jamais entendu parler, tu vois. Ouais, mais c'est parce que t'as la salle jeune. C'est une des plus anciennes salles. Je pense que c'est la. Maintenant, la plus ancienne salle rock'n'roll de la région Nord-Pas-de-Calais, hein. Ou en tout cas une des plus anciennes. Et donc, à l'issue de ce concert, en fait, il y a un mec qui sortait du concert seul. Juste derrière lui, il y avait un couple aussi qui se barrait. Et en fait, le gars a été pris à partie par des types à bord d'une bagnole qui l'ont apostrophé. Ouais, tu sors du concert. Bah ouais, ah, donc, t'es un antifa. Bah, on va te casser la tête pour venger Quentin. Et en fait, il a dû de pas se faire marave la gueule parce que le couple qui était derrière lui, ils l'ont emmené, ils l'ont pris dans leur bagnole et puis ils l'ont déposé beaucoup plus loin. Et comme ça, les FAF ne se sont pas occupés de lui. Tout ça pour dire que force aux gens qui font face à ce genre de choses. Essayez de sortir à plusieurs quand vous allez dans des concerts, etc. Même dans des lieux... Et repartir à plusieurs aussi. Et repartir à plusieurs, ouais, tout à fait. Quand je dis sortir, c'est dans les deux sens. Ouais. Et, surtout dans des lieux que vous pensez bien connaître. Il peut toujours y avoir des importuns cachés dans les coins sombres. Be careful. Voilà. Et donc, attention, c'est le conseil pratique de Pyongyang City Rockers, parce que nous aussi on fait des conseils pratiques. On repasse de la musique. Allez, t'as ramené des choses. Bah vas-y, tu sais quoi, j'ai envie d'écouter un petit Kronstad là. Attends, je suis dans le truc. Il me semble que le son que j'ai choisi c'est Exil. Exil, exactement, cher ami. Et ben les voilà. C'est parti, hein. Kronstad. Oh, 4 minutes encore pour pouvoir boire. Vous écoutez Campus, c'est Pyongyang City Rockers numéro 425. Youhou. Arrache tout, frère. Deux, trois, quatre. Bon, bah, du coup, c'était Kronstad, Exil. Bah ouais, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est un son qui parle des migrants, et de quel point ils galèrent pour venir jusqu'ici, pour pas forcément trouver un train de vie meilleur. Et du coup, ça fait une bonne petite pique contre les FAF dont on parlait tout à l'heure. Et l'histoire de facho à Lillère, grande honte sur moi, ce n'était pas à l'abattoir, c'était au palace, que je connais pas. Moi, je ne connais que l'abattoir à Lillère. Donc, voilà, non. Mais bref. Et cette rectification est due à Ripoll, qui s'est très bien audité et très bien envoyé des messages. Merci à Ripoll. Alors, réveil forcé, tu mets 10 jours pour fabriquer ça. C'est ça que t'as dit, hein, tu t'es enfermé 10 jours et t'as fait ça. Ouais, globalement, quand je fais mes fanzines, je m'enferme, je fume des pétards toute la journée, puis je fais des journées de 12 heures consécutives dessus. Quoi. Tu sais que c'est encore mal vu par la maréchaussée, ce genre de propos. Non, il y a même des pétards, t'as pas compris. Ah, tu veux dire des mortiers d'artifice? Ah ouais, bah bien sûr, ouais. D'accord. Je me mets en me réveillant, je m'allume un petit bison 6, puis direct ça me sort de mon lit, ah ouais, et puis je fais mon zine. C'est explosif, ouais. Ouais, ça fait pas. Là par exemple, c'est fait uniquement avec un ordinateur? Non, en fait, il y a un peu des deux. Là, ce coup-ci, j'ai un peu triché, mais globalement, il y a pas mal de trucs faits à la main quand même, que j'ai scanné. Et après. Les fonds, j'ai mes fonds sur ordinateur et du coup, en général, je scanne mes trucs. Enfin, je fais ma mise en page sur papier. Ouais. Ensuite, je vire le fond et puis je mets mon fond à moi que j'ai sur mon ordi pour que ça fasse le petit côté noir et blanc un peu cracra. Ouais, c'est cool. Et c'est quoi, ça représente quoi d'ailleurs ce fond? C'est juste des trucs? Oh, c'est juste du bordel. Ouais. Ok. Parce que là, quand même, il y a plusieurs pages sur lesquelles on a l'impression que chaque ligne a été tapée à la machine, puis découpée une par une. Ah non, bah ça reste collée. Tous les textes. C'est ça qui est rigolo. Tous les textes, c'est tous des trucs que j'ai imprimés, que j'ai découpés bandelette par bandelette. D'accord, donc c'est puis vraiment je suis fait encore comme ça. Familial. Je suis encore bien copain avec les tubes de colle, quoi. Ah ouais, ça c'est bon. Nous sommes donc amis. Voilà. Tu mets 10 jours à faire la mise en page ou 10 jours à écrire? Non, mise en page. Ouais. Mais... Ou si j'allais dire écrire, faire les interviews en 10 jours, que les autres te répondent vite, ça me paraissait. Non, ouais, je fais pas tout en 10 jours. C'est juste la mise en page. Voilà. D'autres questions? Non, voilà, c'est tout. Ça revient à combien de faire? Ouais, donc t'as un plan photocopie gratos, je suppose? Non, mais j'ai un plan pas cher. Bah allez, on va faire tourner le plan parce que c'est un bon plan et que c'est bien. Mais de toute façon, tout le monde connaît déjà, je pense, c'est DivePrint. Evelyne qui gère ça et elle est à côté de la Cato, du coup, elle voit passer des couillons qui impriment leur thèse. De mémoire, de je ne sais quoi. Et puis en fait, quand tu débarques avec un zine direct, elle te fait « Oh, un fanzine, trop bien !» Et puis elle est au petit soin avec toi. Et puis quand tu passes à la caisse, elle te fait « Oh, je t'ai fait un petit prix, ça fait plaisir. » Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez connu. Merci. Quand même. Moi, j'ai quand même eu un problème une fois parce que je devais faire des reproductions d'affiches un peu grandes, enfin qui avaient des formats un peu hors normes. Et elle a bien galéré. Et à la fin, il y en a une, on l'a carrément pas sortie parce que c'était le bordel, quoi. Il y a une histoire de couleur et puis de forme, enfin bref. Mais bon, sinon, ouais, pour faire du A4 et du A5 comme ça, ça marche. Ouais. Ça marche bien. C'est quoi cette histoire de Lost Kids? Lost Kids, c'est un truc qu'on s'est dit, qu'on a créé, enfin, on a trouvé le terme avec les copains il y a un petit moment. Ça nous plaisait bien, ce truc d'enfant perdu. Et dans notre tête. Sur la quatrième de couve, si quatrième de couve il y a, une espèce de macaron avec Carpe Noctem. On va dire que c'est mon petit logo. Lost Kids. On va dire que c'est mon petit logo. Et okay. Ouais, d'ailleurs, allez, on va faire la deuxième dédicace. C'est une linogravure que j'ai fait aux ateliers lino de Fleur d'Ennui à l'Anamorphose. Ah, voilà. D'accord, l'Anamorphose, voilà. 48 rue de Lompeau. Exactement. Fives. Voilà. Et bonjour à Fleur d'Ennui. Bah voilà quoi, on a fini, on a fait le tour. Ouais, plus ou moins. Je sais pas, bah ouais. Bon. Faut garder un peu de surprise pour les lecteurs quand même. Ouais, donc on va répéter. On a le temps de répéter encore. Répète et répète sont sur un bateau. Ouais, d'accord. Et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent de la musique. Allez, vas-y, c'est parti. Tu nous as ramené une petite sélection, alors c'est encore à toi. Je sais même plus ce que j'ai sur ma clé. Alors attends, Patience d'Abani, tu l'as déjà passé, ça. Ouais. Las Grimace, c'est à toi, Célia. Orsini. Orsini, c'est qui? Ah ouais, Orsini, c'est moi qui l'ai mis. Ouais, ouais, c'est bien, ça. C'est un groupe basque qui ont sorti un disque il n'y a pas longtemps. J'en ai déjà passé. C'est bien. Bon, on va repasser un. Mais c'est cool. Et donc. Bah, Orsini, mais le nom, bon, c'est un nom basque. Ouais. Nous emmerdent, hein. Ils peuvent pas chanter en français comme tout le monde. C'est en espagnol. Espagnol ou basque, ouais, je sais plus. Bon, bref, mais je sais plus le nom du truc, je l'ai pas sous les yeux. Fantaisie. Tu le dis mieux que moi. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 425 et voici Orsini avec un H comme. Rien. Sweat Lake Air sur Radio Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers numéro 425. On me réclame à corps et à cri des annonces de concert. Je n'en ai pas ce soir, je savais que t'allais venir et puis que t'allais beaucoup parler et qu'on allait dépasser l'heure. donc, pour quand même venger les concerts, voici une annonce ratée de la semaine dernière. Ils sont passés samedi dernier à l'Horloge à Boulogne avec Rusty Bloom et Belek, dont c'était, il me semble, le premier concert. Il me semble aussi, ouais. C'est Night Vision que je vais maintenant donc pouvoir vous passer, mais vraiment en retard, avec premier titre Headbanging, deuxième titre Acab, et en tout ça fait 1 minute 46. Eh, t'as vu? C'était quoi Night Vision avec ACIB, le deuxième titre, et le premier c'était Headbanging. Il est 21h30, on est encore ensemble pour quelques minutes, pas jusqu'à la fin de l'heure hein, quand même. Et il y a Célia qui voulait présenter un truc. Allez, je présente mon dernier groupe de la soirée, ça s'appelle Las Grigmas, c'est de Lake Punk de Marseille. C'est un trio avec guitare, basse, synthé et une boîte à rythme. Elles décrivent leur style comme fast fart punk. Ça m'a fait rire. Oui. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose aussi. Leur premier EP sortira le 14 mars. Ah, c'est ce week-end. En cachette chez Bizarre Obstruction Records. Et, on peut écouter un premier morceau sur YouTube. Ça s'appelle Tug Dog. Et on écoute ça tout de suite. Thank you. Poète, ah non, pas tout de suite. C'est Poète, c'est que vous écoutez Campus 106,6. C'est ouais. Que Pyongyang City Rockers qui va maintenant vous narrer les exploits de qui? De la Grinch Team. La Grinch Team, ok. Et elle fait quoi, la Grinch Team? Ah, la Grinch Team, elle passe du son et elle va mettre le son de son collègue, Asylum 343. J'ai rien fait. C'est pas chez Narmi, j'ai passé chez Narmi la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, c'est j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Il y a un truc là. C'est ce qu'on dit à la police aussi quand on se fait arrêter avec des bombes dans le sac. Je pense que c'est ça, voilà, d'accord, ok. Et donc, ça s'appelle Asylum 343, rien de plus à dire? Bah, vive la Grinch Team, hein. D'accord, on envoie. Enfin là on va dire au revoir. Vu qu'il est 21h37, en fond sonore c'est Craque et Paillettes. Ouais, par Bac 13. Ok. On a déjà passé du Bac 13 je crois. Il y a longtemps, très longtemps. Fort longtemps. Trop longtemps pour que je m'en souvienne. Ouais. Merci Pierrot d'être venu nous présenter ce numéro. Mais de rien, ça m'a fait super plaisir. Les gens qui veulent savoir le reste de ce qui se trouve dans ce fanzine numéro 4, Réveil Forcé, une seule adresse, une seule date, samedi. C'est celle de samedi, 17h-22h. Voilà, et il y en aura des exemplaires, ainsi que plein d'autres zines, plein de disques, plein de gens pour discuter, etc., etc. CCL2, 41 rue Vendique, pas loin de Porte des Postes, pas loin du CCL1, touche. On se retrouve la semaine prochaine pour le 426e de Pyongyang, avec peut-être des invités, peut-être pas, j'en sais rien. Et est-ce que ça durera une heure, est-ce que ça durera une heure et demie, est-ce que ça durera deux heures, va savoir. Surprise, c'est tout la surprise, n'est-ce pas. On vous laisse en compagnie des programmes de Radio Campus. Ne quittez pas l'écoute dans un gros 20 minutes. Nico arrive pour B-Boy Bouillabaisse. Et puis ensuite, il y aura plein d'autres bonnes émissions. On n'oublie pas. Acab. Acab.